Ça s'écrit S-H-P-R-O-U. Pour... Voilà. Ça peut servir si vous voulez l'écrire, placer dans une dissertation. Alors, l'introduction est donc l'introduction d'une chanson qui s'appelle Les Gaufres, donc qui parle des gaufres. Parce que nous sommes des gens intelligents. C'est un do. Deux, trois, quatre. Les gaufres sont nos amis, faut pas les manger cuits. Et même plus c'est pas bien, et ni au bout, ben ça vaut rien. Les gaufres sont des animaux, sans bras et sans os. Personne s'en occupe comme les cabots, pas même Brigitte Bardot. Wapa papa la bala, papa la bala, papa la bala. Wapa papa la bala, papa la bala. Les gaufres sont des mammifères. Je veux voir théorie de mon grand peur. Les gaufres sont des vertébrés. Je me pose la même question pour le passé. Tout ce que je savais qu'il faut les sauver comme les bébés phoques. Comme les bébés phoques. Comme les bébés phoques. Et les tarlons de bébé. C'est la plus courte.